livres sont rejetés. Saute, rebond. Je me sens rejeté. Saute, rebond. Saute, redondant. Où, jouis, jouplaire, pleure, plaire. Je me sens rejeté. Les nuages pixelisés ravagent la plaine. Pourquoi pour-t-il ? Saute, rebond. Je me sens rejeté. Saute, rebond. Je me sens rejeté. Les nuages pixelisés ravagent la plaine. Je me sens rejeté, je me sens rejeté, je me sens rejeté, je me sens rejeté. Les bâtisses s'immolent, je me sens âpre, léger. Je me sens rejeté, je me sens rejeté, je me sens rejeté, je me sens rejeté. Les étendards s'éveillent. Saute, rebond. Je me sens rejeté. Saute, rebond. Pourquoi pour-t-il ? Je me sens rejeté. Les nuages pixelisés ravagent la plaine. Pourquoi pour-t-il ? L'ombrage demeure. Les bâtisses s'immolent. Je me sens âpre, léger. Je me sens rejeté, je me sens rejeté. Je me sens rejeté, je me sens rejeté. Je me sens rejeté. Les nuages pixelisés ravagent la plaine. Les étendards s'éveillent. Tournoie, pleine et l'insolent. Les étendards s'éveillent, gênent. Saute, rebond.